Romains chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? À Dieu ne plaise, car nous qui sommes morts au péché, comment y vivrons-nous encore? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, avons été baptisés en sa mort? Nous sommes donc ensevelis avec lui en sa mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous marchions aussi en nouveauté de vie. Car si nous avons été faits une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Sachant ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, afin que nous ne servions plus le péché. Car celui qui est mort, est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ étant ressuscité des morts, ne meurt plus, et que la mort n'a plus d'empire sur lui. Car ce qu'il est mort, il est mort une fois à cause du péché, mais ce qu'il est vivant, il est vivant à Dieu. Vous aussi tout de même, faites votre compte que vous êtes mort au péché, mais vivant à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point en votre corps mortel, pour lui obéir en ses convoitises. Et n'appliquez point vos membres pour être des instruments d'iniquité au péché, mais appliquez-vous à Dieu, comme de mort étant fait vivant, et appliquez vos membres pour être des instruments de justice à Dieu. Car le péché n'aura point d'empire sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc, pécherons-nous parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce? À Dieu ne plaise. Ne savez-vous pas bien qu'à quiconque vous vous rendez esclave pour obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Or, grâce à Dieu de ce qu'ayant été les esclaves du péché, vous avez obéi du cœur à la forme expresse de la doctrine dans laquelle vous avez été élevés. Ayant donc été affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice. Je parle à la façon des hommes, à cause de l'infirmité de votre chair. Comme donc vous avez appliqué vos membres pour servir à la souillure et à l'iniquité, pour commettre l'iniquité, ainsi appliquez maintenant vos membres pour servir à la justice en sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit donc aviez-vous alors des choses dont maintenant vous avez honte? Certes leur fin est la mort. Mais maintenant que vous êtes affranchis du péché, et asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sanctification, et pour fin la vie éternelle. Car les gages du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur.